de fées en français. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman. Chers enfants, désormais vous êtes grands. Vous devez trouver de l'argent par vous-même. Je n'en ai plus assez pour vous élever. La mère leur donna un peu d'argent pour leur permettre de se rendre dans une ville éloignée afin qu'ils puissent construire leur propre maison. Les trois petits cochons quittèrent donc la maison de leur mère ensemble. Sur la route, ils se reposèrent sous un grand banyan pour la nuit et commencèrent à discuter de leur plan d'avenir. Maintenant, nous avons une chance de savoir ce que nous valons. Pourquoi ne pas prendre des routes différentes et tenter notre chance? Oui, nous pouvons survivre par nos propres moyens. Le troisième cochon, qui était plus sage que les deux autres, n'était pas heureux à l'idée de la séparation. Il savait que tout le monde allait profiter de leur naïveté et qu'ils finiraient par avoir des ennuis. Mes frères, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui fait notre force est notre unité et nous ne devrions pas la briser. Tu essaies toujours de prêcher. Nous savons ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Oui, nous ne sommes plus des fils à maman qui doivent écouter parler. Ok, je comprends. J'ai une idée qui nous mettra tous d'accord. Hein? Nous construirons nos maisons séparément et vivrons par nous-mêmes. Personne n'interviendra dans les affaires des autres. C'est bien, mon frère. C'est donc décidé. Attendez, attendez, je n'ai pas encore terminé. Nous construirons nos maisons à proximité de chacune afin qu'en cas de problème, nous puissions nous aider mutuellement. Oui, il a raison, mon frère. Ok, ok, je suis d'accord. Même si je ne pense faire face à aucune difficulté. Le lendemain matin, ils décidèrent de l'emplacement pour construire leur maison et allèrent chercher les matériaux pour la construction. Construire une maison avec de la paille sera économique et plus simple à faire. Je pourrais m'acheter un lit douillet pour dormir avec l'argent qu'il me restera. Il alla donc à la rencontre d'un fermier. Fermier, fermier, je veux acheter cette paille pour construire ma nouvelle maison. Oui, bien sûr, vous pouvez l'acheter. Le premier cochon acheta la paille au fermier et retourna joyeusement construire sa maison. Le deuxième cochon vit un bûcheron le long du chemin. Une maison faite de branches sera plus belle et économique à construire. Avec l'argent qu'il me restera, je pourrai acheter un matelas confortable pour dormir. Il acheta donc du bois au bûcheron et alla bâtir la maison de ses rêves. Mais le dernier des trois, plus sage que les autres, décida de construire une solide maison de briques pour qu'elle puisse tenir longtemps. Je préférerais dormir sur un matelas. Mais je vais plutôt construire une maison durable pour un avenir sûr. Il alla donc dans un magasin pour acheter des briques et du ciment. En fin de journée, ils se réunirent sur leur chantier et commencèrent à construire leur maison. Le premier cochon termina sa maison dans la matinée. Quel brillant architecte je fais là ! J'ai construit ma maison beaucoup plus vite que les deux autres. Maintenant, je vais me faire du thé et me reposer. Mais comment a-t-il pu finir si rapidement? Pour ma part, ma maison sera bel et bien terminée pour ce soir. Il travailla donc plus dur et termina sa maison en bois dans la soirée. Étant donné que ma maison est en bois, elle doit être beaucoup plus résistante que celle de paille. Maintenant, je vais tranquillement faire une sieste. Même si les deux frères avaient pris moins de temps pour construire leur maison, le troisième cochon ne s'embêta pas à ce sujet. Il construisait encore la base de sa maison. Le matin, lorsque les deux frères sortirent de chez eux, ils se moquèrent de lui. Que se passe-t-il, mon frère? As-tu des difficultés à construire ta maison? Je crois que tu aurais dû me consulter avant. Je construis la maison la plus solide de toutes. Elle restera forte contre vents et marées, et ce, pendant des années. Tu penses que nous avons construit des maisons fragiles? La tienne est-elle plus solide? Le troisième cochon décida d'ignorer les commentaires de son frère et se concentra sur son travail. Brique par brique, pendant une semaine, il construisit sa maison. quelques jours passèrent. Ils vivaient heureux dans leur nouvelle maison. Mais très vite, un loup vit les trois cochons et décida de les manger. Le loup alla à la porte du premier cochon et frappa. Petit cochon, laisse-moi entrer. Non, non, jamais, jamais, par le poil de mon petit menton. Alors je soufflerai et soufflerai et je détruirai ta maison. J'ai la maison la plus solide de toutes. Fais comme tu veux. Le loup remplit ses poumons d'air et souffla sur la maison du petit cochon. Tout s'envola. Avec le souffle, même le cochon s'envola et roula jusqu'à la maison du deuxième cochon. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi arrives-tu dans ma maison en roulant? Il se cacha sous une table et cria. Ferme la porte! Ferme la porte! Un loup féroce s'apprêtait à me manger! Il pourrait venir jusqu'ici pour nous chasser! Le deuxième cochon courut à la porte et la ferma en verrouillant tous les verrous. Le loup vint et commença à frapper à la porte. Petit cochon! Petit cochon! Laisse-moi entrer! Non! Non! Jamais, jamais! Par le poil de mon petit menton! Alors je soufflerai, et je soufflerai, et je détruirai ta maison. J'ai la maison la plus solide de toutes. Essaye donc, méchant loup. Le loup remplit ses poumons d'air et souffla sur la maison du petit cochon. Tout s'envola. Les cochons réalisèrent que la maison n'avait plus de toit et qu'il n'y avait plus de mur sur les côtés. Les deux cochons s'enfuirent pour sauver leur vie et allèrent se réfugier dans la maison du troisième cochon. Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous si effrayés? Le méchant loup a détruit nos maisons en leur soufflant dessus. Il peut venir ici aussi et souffler la tienne. Enfuyons-nous et retournons chez notre mère. Il ne peut même pas souffler une seule brique de ma maison. Je vais lui donner une bonne leçon. Laissons-le venir. Mes frères, allez vous cacher sur l'étagère et n'y sortez pas même s'il réussit à entrer et qu'il me mange. Les deux cochons grimpèrent sur l'étagère. Aussitôt, le loup arriva devant la porte, la frappa et la poussa. Enfuis-toi, vilain loup! Tu ne pourras jamais détruire ma maison. Tu ne connais pas ma force, petit cochon. Je vais souffler et souffler et ta maison s'envolera. Comme je l'ai fait pour tes frères. Alors tente ta chance. Tu perdras ton souffle, mais tu ne réussiras pas. Le loup se remplit d'air et souffla sur la maison du petit cochon. Mais celle-ci ne bougea pas d'un pouce. Il se remplit encore plus d'air et essaya de nouveau. Mais encore une fois, aucune brique ne bougea. Après encore quelques essais, il perdit son souffle et tomba par terre. Mais le méchant loup se releva à nouveau et prit beaucoup d'élan pour essayer de casser la porte. Les frères l'ont vu et descendirent de l'étagère. Tous ensemble, ils se mirent dos à dos pour bloquer la porte. Le loup courut aussi vite qu'il put et... bang ! Le troisième cochon ouvrit lentement la porte et vit le loup allongé sur le sol. Puis, il verrouilla à nouveau la porte. Le loup a été vaincu! Il n'a pas réussi à détruire ma maison. Nous aurions été dans le ventre du loup si tu ne nous avais pas abrités dans ta maison. Oui, mon frère, tu nous as sauvé la vie. Mais mon frère, il m'aurait mangé si vous n'aviez pas été là. Nous avons ensemble bloqué la porte et il a échoué. Oui, mon frère, tu m'as prouvé que j'avais tort. L'unité est notre force. Désormais, nous vivrons tous ensemble et ne nous séparerons jamais. Soudain, le loup se releva et commença à frapper à la porte. Vous, les méchants frères! Je vous mangerai quoi qu'il arrive aujourd'hui! Il grimpa sur le toit et décida d'entrer par la cheminée. Les cochons entendirent le bruit de ses pas sur le toit et comprirent le plan du loup. Le troisième cochon alluma un feu dans la cheminée. Le loup eut du mal à atteindre la cheminée, mais finit par rentrer à l'intérieur. Il glissa et glissa à nouveau, puis tomba dans le feu brûlant. Les trois frères cochons vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps.